Cinecittà se vei fatiche come un espagnol. Dans la bille de Zampano, qu'est-ce que je me sens mal? Pourquoi faire, pourquoi jouer toujours un personnage? Déguisé complètement, fabriqué, c'est dommage. J'étais moi quand je laissais traîner mes doigts comme ça sur ton corsage. Maquillé comme un héros qui savait faire l'amour, comme un héros à la tombée du jour. Triste Gina, dans ta dolce vita, star et fantôme de Cinecittà. Pas chanter solo night dans la bite de ton Diego, qu'est-ce que je me sens mal. Tragédie, comédie, toujours un personnage. Déguisé, complètement fabriqué, c'est dommage. J'étais moi quand je m'inventais des romans, la nuit avait ton visage. Maquillé comme un héros qui savait faire l'amour, comme un héros à la tombée du jour. Triste Gina, dans ta dolce star et fantôme de Cinecittà, de Cinecittà. Oh, oh, oh. Solitude au soleil, je voulais pas chanter solo night. Comme un héros savait faire l'amour, comme un héros à la tombée du jour. Triste Gina, dans ta dolce vita, star et fantôme de Cinecittà. Comme un héros à la tombée du jour. Triste Gina, dans ta dolce vita.